ça va mieux. Elle se tourne vers le sac, farfouille dedans, en sort un bâton de rouge. Plus pour longtemps. Enfin, dois pas me plaindre. Elle ramasse la glace, commence à se faire les lèvres. Ah, quel est ce verre admirable! Oh, fugitive joie! Oh, tala, lent malheur! C'est Willy qui a entrepris de se mettre sur son séant. Elle éloigne de son visage, classe et rouge, et se renverse en arrière pour voir. Le crâne chauve de Willy, partie postérieure où coule un filet de sang, apparaît au-dessus de la pente du mamelon. La main de Willy apparaît, tenant un mouchoir, l'étale sur le crâne, puis disparaît. La main réapparaît, tenant un canotier garni d'un ruban bicolore, l'ajuste sur le crâne, puis disparaît. Enfile ton caleçon, chérie, tu vas roussir. Ah, oui, je vois, il te reste de ton produit. Fais-le bien pénétrer, mon trésor. L'autre, à présent. Oh. Un beau jour encore que ça va être. Elle se remet à se faire les lèvres. Willy déplie un journal. Winnie termine ses lèvres. Fraîche bouchette. Bouchette blêmie. Monseigneur, le révérendissime père en Dieu, Carolus Chassepot, mort dans son tab. Charlot Chassepot, je ferme les yeux. Et si nous voici sur ses genoux, dans le clos à Fougax et Barineuf, derrière la maison, sous le robinier. Oh, les beaux jours de bonheur. Je recherche un jeune homme vif. Mon premier bal. Mon second bal. Mon premier baiser. Un kinésie, ou mécanothérapeute de Moulin, ou du Moulin, voire de Moulin, c'est encore possible. Moustache fauve, très dru, reflet carotte, dans un réduit de jardinier. Mais chez qui? Mystère. Point de réduit de jardinier chez nous, et chez lui à coup sûr, pas l'ombre d'un réduit de jardinier. Je revois les piles de pots à fleurs, les bottes d'échalotes, l'ombre s'épaississant parmi les poutres. Coquet de pièces, calme soleil. Le journal disparaît. Winnie farfouille dans le sac, en sort une loupe, cherche la brosse à dents. Solennellement garanti, véritable solennellement garanti, véritable pur soit de porc. Soie de porc, ça que je trouve si merveilleux, qu'il ne se passe pas de jour, le vieux style, presque pas, sans quelque enrichissement du savoir, si minime soit-il. L'enrichissement, je veux dire, pour peu qu'on s'en donne la peine, et si pour des raisons obscures, nulle peine n'est plus possible, alors plus qu'à fermer les yeux